sont fanés. Les enfants ont grandi, on n'entend plus la vie. Quand je pense à ma vie et à toutes mes erreurs, je me sens seule. À toi.